Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bonjour Francis, salut Francis. Bonjour, bonjour à tout le monde. Monsieur Francis Albiro. Enchanté. Une connaissance de longue date, que j'ai le plaisir d'accueillir ici pour cette émission de janvier. Alors Francis, nous, on ne va pas tout raconter, mais ça remonte à quelques années. Oui, ça commence à dater. Voilà. Et puis surtout, t'as un rire communicatif, ça marche bien. On essaye. Ouais. Le sourire s'entend à la radio, paraît-il. C'est vrai ? Ah oui, oui. Alors vous voyez que je suis en train de faire la gueule, là. Et je me suis rappelé que l'année dernière, on avait évoqué Davos. Ben oui. J'ai un petit bon sang, mais voilà, pour janvier. Reparlons-en avec Francis. Ouais, ouais. Et alors l'idée l'année dernière, c'était une petite vidéo plutôt que venir ici à la radio, mais une vidéo que tu m'as montré une démo, et puis moi j'avais dans l'oreille ce que Oxfam à Paris tricote régulièrement pour faire le buzz ou montrer dans les médias, sur les réseaux sociaux, que on peut sourire, actuellement la situation est particulièrement dramatique, si on peut dire, mais nous autres, on n'est pas sur ce versant-là, on est sur le versant d'aller... Il faut en rire. Le rire permet de dénoncer, en fait. C'est sous cet angle-là que je vois la chose. C'est là qu'on se comprend. C'est là qu'on a envie d'en parler un petit peu, là, dans cette émission. Et les gens d'Oxfam Paris étaient, par exemple, allés devant la bourse. Tous les salariés, je les ai reconnus, là, ils étaient une bonne trentaine. Hein, ils chantaient money devant la bourse, ils ont fait une vidéo. Ouais, c'est bien ça. Bon, voilà. Mais alors, la portée de ça, après, on se posait des questions. Et puis, alors, parmi les groupes locaux de France, groupe local Nancy Oxfam, disons que j'aime bien discuter de tout, y compris des effets spéciaux ou de ce qui se passe derrière. Et en tout cas, sur Davos, ils nous invitaient à aussi. Voir comment on pouvait, entre guillemets, singer les puissants. Mais derrière, on va tout de suite évoquer l'idée qu'il y a là-dessous, à la fin des fins, mais que vient faire Oxfam à Davos? Parce que franchement, ça me travaille depuis plus d'un an, cette question. Et puis je me dis, tiens, peut-être Francis va m'aider à trouver des réponses. Ouais. Pour la deuxième partie de l'émission. Premier, on va essayer d'y réfléchir. Mais enfin, au début, on va quand même parler un peu de Davos. Qu'est-ce que c'est Davos pour les auditeurs? Eh bien, c'est une fondation à but non lucratif. Tu te rends compte, c'est pas une blague, ça, quoi. Créée en 1971. Bon, c'était les 30 Glorieuses, tout se passait bien à l'époque. Et puis donc... Alors, que nous dit Wikipédia? Alors, officiellement, c'est améliorer l'état du monde, quand même. Hein. Davos est plus connu, en fait, mais en fait, comme un haut lieu du lobbyisme et des affaires. Et de la fête, dit Wikipédia, tu vois, comme quoi... mais reprenons. Alors, donc, d'abord, Symposium européen du management, puis Forum, en 1987. Avec ce marqueur peu glorieux, pour te donner une idée... lors de l'édition 2020, par exemple, sur les 3000 participants, il y en a près de la moitié qui étaient arrivés en jet privé. Donc ça pose tout de suite le débat. Hein. Bon, à noter que le financement du forum de Davos, le financement est assuré par près de 1000 entreprises membres, avec des montants d'adhésion, je ne te dis pas le montant, mais ça peut largement rémunérer le temps passé de leur super patron pendant un week-end. Ouais. Tout ça, ça se tient. Alors officiellement, une fondation à but non lucratif qui prétend ne défendre aucun intérêt politique, partisan ou national, hein, et avoir pour objectif donc d'améliorer l'état du monde, des belles paroles en fait. Bah après, ça dépend de quel point de vue on se place, parce que pour eux, un gars comme Macron, pour lui, il a amélioré l'état de la France, hein, parce que les plus riches sont encore plus riches. Si on l'entend, oui, sous cet angle-là. Au fond. Alors, il y a ce qu'il dit en réalité, puis il y a ce qu'il dit sur les chaînes. Donc là, c'est pareil. Officiellement, c'est améliorer la marche du monde, mais ils le font pour eux. Ouais. Mais avec un marqueur qui, au départ, était quand même bien ambigu, parce que c'était sous le patronage de la Commission européenne. Bon, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, mais bon, enfin bref. sous le patronage de la Commission européenne et de différentes associations industrielles du vieux continent, on pense aux maîtres de forge en Lorraine, enfin des gros groupes. L'objectif était de familiariser les entreprises européennes avec les pratiques de management en vigueur aux États-Unis. Rien que ça. Donc en plus, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça a une résonance particulière. Voilà, enfin, donc on était pas très bien barrés. Mais pour cela, ça partait d'un bon sentiment, puisque pour les entreprises, il fallait non seulement prendre en compte les actionnaires et les clients, mais également les employés et les communautés au sein desquelles l'entreprise évolue. Oh, tiens, magnifique, quoi. Le capitaliste nous étonnera toujours. Donc, sur le départ, c'est quand même pas terrible. Sauf que, il y a quand même eu des avancées certaines qu'on a un peu oubliées. C'est qu'en 88, par exemple, la Grèce et la Turquie signent la déclaration de Davos, éloignant ainsi le spectre d'une guerre qui semblait imminente. Donc, 2026, guerre imminente, bon, tu vois. Moi, je me dis, bon, des fois, à savoir. Et lors de la réunion en 92, il y a une réunion tripartite entre le président sud-africain Frédéric de Klerk, Nelson Mandela et le chef Zoulou, Mango Tshustu, un nom Boutaledzaï, à savoir, qui se rencontrent pour la première fois en pays étranger. Bon, comme quoi ça favorise des rencontres. En 94, le ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Peres et le chef de l'OLP de l'époque Yasser Arafat concluent un projet d'accord sur Gaza et Jéricho. Quand même, 94, bon ça. 94. Et puis en 2008, Bill Gates qui tient un discours sur le creative capitalisme, une forme de capitalisme qui vise à générer des bénéfices pour résoudre les injustices dans le monde et qui exploite les forces du marché pour répondre aux besoins des plus démunis. Mmh. Alors là, chez Oxfam, on plonge là, on dit waouh, qu'est-ce que tu nous dis là, Bill? Et puis en 2009, Davos sera le centre d'un règlement de compte entre le premier ministre turc Recep Erdogan et Shimon Peres. Ah ouais. Erdogan rappela à Peres la responsabilité de son pays dans le meurtre d'enfants et décida de ne plus revenir à Davos en raison du temps de parole limité qui lui était donné en comparaison avec le temps de parole des autres dirigeants. Waouh, ça se fissure un peu là, ça ratatouille quoi. Puis après, alors ça, le monde évolue, alors le capitalisme aussi, il faut croire. Et à Davos, alors ils ont inventé des trucs, ils ont inventé des 5 aires géostratégiques, Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient, Europe et Asie centrale. Tiens, on sera avec les Russes. Hein, et avec des réunions dans ces aires-là, un peu plus souvent qu'à Davos. Hein, donc pendant toute l'année, on peut régler des différends, paraît-il. Bon. Il y a toujours l'art et la manière, enfin, ouais. Ou l'esprit et la lettre. C'est-à-dire que... Il y a ce qui est écrit et comment il l'interprète quoi, après. Et puis donc, parallèlement à ça, le Forum économique mondial publie aussi un certain nombre de rapports, voire impulse de nouvelles donnes. Et là, j'étais scotché. Les entrepreneurs sociaux. Actuellement, ils en viennent même là, tu vois. Le fameux, en France, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. En effet, cette fondation considère l'entrepreneuriat social comme un élément clé pour faire progresser la société et résoudre les problèmes d'ordre social. Ouah. Alors, ça, c'est dans les papiers officiels. Ouais, c'est Wikipédia qui raconte tout ça, mais bon. Après, ça avance du pas de la mule. Et alors, bien sûr, la question du climat arrive invariablement. Et en 2020, il y a eu un mot d'ordre. C'était pour un monde cohérent, durable, et comment éviter une apocalypse climatique. Rien que ça, comme ordre du jour. Alors, les dirigeants ont été invités avec une lettre ouverte, en amont de Davos, ouverte aux représentants de toutes ces grandes entreprises mondiales, et de se fixer comme objectif des émissions nulles, nettes nulles, en carbone pour 2050. Une note d'accompagnement propose des options pour cela, dont 2 points, déclarer publiquement ses émissions de gaz à effet de serre et divulguer ses risques et impacts financiers liés au climat, tout en envisageant un calendrier des étapes à franchir d'ici 2030. Et tout ça, ils sont venus le signer en jet privé. Voilà. Donc, la question est ouverte, Francis, mais que vient faire Oxfam là-dedans? Alors, je ne sais pas, là, tu avais choisi un... une petite, un choix musical pour On y est déjà. Oui, oui. C'est un décalage. En fait, moi, dans cette histoire, je suis donc clown. Et donc, notre spécificité, c'est de décaler, de faire un pas de côté, comme ça. Et du coup, par exemple, quand tu parles de tout ça, moi, je vois le côté humain, le côté, le patron qui, enfin, le grand patron, Bill Gates ou je ne sais qui se pointe en jet privé, qui va signer. Je pense que, foncièrement, il est sûr qu'il fait une bonne action. Bah. Et donc, nous, les clowns, là où on peut être pertinent, c'est de décaler un tout petit peu en disant ça. Ouais, vous faites une bonne action avec votre jet privé. Vous êtes venu signer ça en jet privé, ou etc. Et donc, dans le même ordre d'idée, là, c'est une chance. Alors, ça ne parle pas du tout, pour le coup, il n'y a pas de rapport à la politique, mais c'est Should I Stay, Should I Go? Donc, le choix musical. Mais fait par décalé, fait par une voix très jazz. Ah bon? Ah bah, écoute, on va. Écoutez, puis vous allez voir. Ça. Ok. Got to let me know. Should I stay? Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So always tease, tease, tease, tease, tease. Happy when I'm on my knees. One day it's fine, and next it's bad. So if you want me off your back, oh come on and let me know. Stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. Ooh, down, come on and let me know. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. C'était cool, Francis. Oui. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le non, à la base, c'est un morceau punk. Hein? Et tout d'un coup, c'est une femme qui chante en jazz, comme ça, tout ça. Pour moi, c'est du même ordre que ces gros patrons de Davos qui disent on va faire du bien à la planète, ouais, et qui viennent avec leur jet. Pour moi, c'est le décalage du même ordre. C'est-à-dire qu'on fait un truc tout, ça va être gentil, tout ça, puis on veut être. Voilà. Et c'est pour ça, je trouvais ça. Rigolo de mettre ça. En parlant des riches, moi j'ai toujours une phrase qui me reste au coin de l'oreille, c'est Suzanne Georges de Attac d'ailleurs. Pour information, Attac a été fondée par Agirici, historiquement, qui est devenue Oxfam France. Hein. Me demandais justement s'ils étaient dans cette des choses croisées, voilà, comme ça. Et Suzanne Georges dit, il faut éduquer les riches. Enfin, elle a dit ça il y a 20 ans. Hein. Par où commencer. C'est... Enfin, donc on avait trouvé le coupable dans cette histoire. Que vient faire Oxfam à Davos? Parce que finalement, je commence à dire au siège, mais attendez, il faudrait que se poser la question, vous y allez quand, comment, il se passe quoi? Alors Oxfam publie un rapport, certes, toujours très étayé, très fourni, sur l'état du monde, de manière très factuelle, et avec une focale sur certaines problématiques. Il change bien sûr de problématiques tous les ans, mais à la fin des fins, entre porter en dérision ou se fiche de la tête des puissants, parce qu'on en est là, ils nous racontent n'importe quoi, on ne peut plus les croire. Mmh. Et comme Oxfam a aussi ce marqueur de faire pression sur les décideurs politiques et économiques de manière sérieuse, étayée, voilà, on est là dans l'ascenseur émotionnel, quoi. Et alors, c'est pour ça que je voulais ton avis, m'aider un peu dans ce truc compliqué. Moi, il me semble un truc, c'est que pour pouvoir faire leurs petites activités, toutes ces masses dirigeantes dans le capitalisme actuel, c'est grâce à l'ignorance, en fait, qu'ils peuvent faire ça. Parce qu'il suffit... Il suffirait que le public lambda sache ce que tu sais toi, par exemple, et pour dire bah non, on arrête les conneries, quoi. C'est, mais Netflix, les réseaux, tout ça, ils ont bien le consumérisme, tout ça. Enfin, c'est autant de choses qui permettent de maintenir le public, le peuple dans l'ignorance, et donc de faire ce qu'ils veulent, de faire croire ce qu'ils veulent, quoi. On pense à Bolloré, on pense à ces grands. Exactement. Gros, c'est pas pour rien qu'ils mettent l'accent sur, enfin, qu'ils ont mis l'importance sur le fait d'acquérir tous ces médias, parce que dans les médias, ils disent n'importe quoi, ils maintiennent, il y a aucune culture. Il y a vraiment zéro culture dans toute leur prise de parole. C'est toujours sur l'émotion, sur le choc et tout ça. Mais jamais on revient au sens, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça... Parce que sinon, le grand public, forcément, il dirait, non mais arrêtez vos conneries, quoi. Enfin, pour information, parce que tu me demandais tout à l'heure, alors le groupe local Oxfam Nancy, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Eh bien, on a animé un ciné-débat au Caméo, un film qui pointait du doigt, justement, par qui étaient les propriétaires des grands médias, presse écrite et audio. Quel film? C'était quel... Il y a déjà un an et demi au moins. C'était pas les chiens de garde, les nouveaux chiens de garde? Non, mais... Pourrait. Bon, voilà, maintenant... Heureusement, à Nancy, on voit bien qu'il y a quand même une fibre militante qui est immobilisable, et on s'allie à eux. Et bon, voilà, pour info. Et donc... toi, entre se fiche de la tête et être sérieux, se positionner, c'est particulièrement délicat. Après, tu sais, si c'est se foutre de la gueule des gens, mais en étant sur un mode, par exemple, tu travailles à France Inter, donc tu fais 3-4 blagues, mais derrière ça, t'es dans le mouvement, quoi. T'acceptes ce qui se passe. Je sais pas si ça change grand-chose. C'est pour ça que nous, les clowns, on est plus pas tant dans l'ironie que dans le fait de faire rire sur ce qu'on est vraiment nous en tant qu'être humain, nos faiblesses, et puis du coup on peut mettre le doigt sur eux ils profitent de ça. Mmh. Par exemple, je te dis l'histoire de on va faire du bien à la planète, mais on est venu en vélo, par exemple, toi et moi, on est venu en vélo alors qu'il fait froid, il pleut, tout ça. Je me disais, si j'avais un chauffeur avec une Mercedes clim, est-ce que je viendrais en vélo? J'espère que oui. Ouais. Mais c'est ça. J'en suis pas si sûr. Tu mobilises les ressorts qu'on a tous individuellement. L'être humain, oui. L'être humain. Parce qu'en fait, c'est pas des gros méchants d'un côté et des gros gentils de l'autre. C'est des gens qui ont le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, si tu prends n'importe quel pauvre et tu lui donnes le pouvoir, comment il va faire ? Le meilleur exemple, c'est les footballeurs. La plupart des footballeurs professionnels, ils viennent des cités où ils ont pas eu de thunes, tout ça. Ils ont crevé de faim pour beaucoup. Ouais. Une fois qu'ils sont pétés de thunes, ils sont absolument pas. Alors, ils vont faire ponctuellement des choses un peu symboliques, des mouvements symboliques, mais sur leur façon de vivre, c'est absolument pas. C'est pas lisible, c'est pas. Ah oui, oui là clairement. Alors qu'ils pourraient changer des choses, ils ont vraiment des leviers pour changer des choses. Ouais, très juste, très juste. Bon, c'est mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue de pauvre clown de 60 ans à Nancy. Non, mais c'est ça. Et je vous dis bien des choses. Ouais. Après, c'est vrai que. Groupe local à Nancy, on n'arrête pas de me dire, mais Jean-Paul, Instagram, tout ça. Et moi, j'ai loupé la marche hein, sur les. Ouais, mais c'est une histoire de génération aussi. C'est au plus jeune, bien sûr. Et là, sur Fadjet, aujourd'hui, on peut refaire à nouveau un appel régulier que. Il y a des jeunes qui ont quelque chose à faire, qui comprennent ce que c'est. Ouais, non, mais franchement, il y a moyen de plus de rigoler que. Nous, on est crevés, là, venez. Que de se lamenter. Parce que il y a toujours une belle énergie à mettre justement pour aller vers des personnes qui nous ressemblent et puis faire cette forme de digue, de résistance par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment le bon mot, la résistance. Parce que c'est vrai que je prenais le train l'autre jour, là, et tout le monde était sur son portable. Tout le monde, moi le premier, hein, je suivais un truc sur un portable, enfin une conversation. Et ça aussi, ça fait un peu flipper. Il y a vraiment un côté hypnotisant où tu vois que tout le monde est. Il n'y en avait pas un qui regardait par la fenêtre, tu vois. Ouais, ouais. Et nous, moi, le premier. Et donc, déjà de se libérer de ça, ouais. C'est vraiment des romans de science-fiction qu'on voit, quoi. C'est incroyable. Ouais. Presque, on pourrait se brancher avec un truc dans le cou, avec une prise. Et tu prends le métro, tu te branches sur la prise, et puis tu as des choses qui te viennent dans le cerveau. Et de résister à tout ça, c'est vraiment un acte perso. C'est à ce niveau-là que je suis moyennement dans votre façon de faire à vous, Oxfam. Ouais. C'est que moi, je suis plus sur un travail sur moi-même pour essayer de changer les choses, voilà. Et je ne sais pas faire comme vous faites. Et je trouve ça vachement bien que vous le fassiez, mais moi, j'en suis pas capable. Bah écoute, merci de ta franchise et puis j'accepte vraiment toutes les choses ici en public. Alors, il va y avoir, ça passera, l'émission sera peut-être déjà passée, une galette des rois offerte par le groupe local Oxfam et le siège qui nous donne un coup de main parce qu'on va réunir une centaine de coureurs qui ont envie de se courageux. Faire ce trail walker Oxfam en mai prochain, 30-31 mai, par équipe de 4 en moins de 30 heures. C'est la deuxième édition à Nancy. Au mois de juin dernier, il y avait 98 équipes de 4. Bon, c'était déjà pas mal. Et là, on a essayé de dépasser la barre des 100 équipes. Et alors, pour le coup, tiens, Francis, toi qui es nancéen, on a repéré des blabla runners devant l'opéra tous les mardis. Écoute, c'est une initiative spontanée, fraîche. Un jeune s'appelle Valentin, il est en école de kiné. Il se donne rendez-vous à 18h30 devant l'opéra tous les mardis. Ils sont 500 maintenant. À la vache. Et il court en nocturne. Bon, c'est l'hiver, il court à une heure que tout le monde apprécie, c'est après le boulot ou pour les étudiants. C'est, voilà. Ouais. Et je pense aux jeunes femmes qui n'apprécient pas de faire du jogging la nuit, au-delà de la pépinière ou le long du canal. Tu vois. Et là, pour le coup, il fait deux départs différés. Il y a un public phénoménal. Et on les a repérés, on a sympathisé avec eux et on les invite à discuter de ce trail walker. Comme quoi, fédérer des énergies pour démontrer qu'il y a moyen de faire autre chose que se lamenter. Porter des messages haut et fort que l'état du monde mérite qu'on s'y arrête. Et aussi bien sûr. Puis ce fameux pas de côté, quoi. Parce que grosso modo, si on se laisse embarquer, très vite, on a des rendez-vous avec les radios, avec les machins, des rendez-vous obligés de regarder telle émission, d'écouter telle connerie et tout ça, ou de jouer à tel jeu, etc. Et de faire un pas de côté pour dire non, j'ai une liberté, enfin, retrouver sa liberté individuelle et de penser et tout ça, c'est pas si simple, c'est vraiment une résistance, quoi. Bah, vraiment, merci, Francis, de ton apport. à Radio Fadjet. Et puis bonne chance, bon courage à tout le monde et puis à bientôt, avec plaisir. Salut Francis.